Les aventures de Monsieur Tam Kick, écrit par Ernest Dulaurent de la Barre. Voilà donc que Monsieur Tam Kick demanda son compte à son bonhomme de père, qui avait bientôt 72 ans et ne pouvait le nourrir à rien faire. Tam Kick, depuis 3 semaines au moins, voulait partir pour voir le beau pays de Bretagne, chercher des aventures et ramasser quelques sous pour le vieux. Mais chaque fois que Tam Kick parlait de départ, le vieux Job secouait tristement la tête, regardait de l'autre côté et passait sa manche sur ses yeux. Finalement, comme il y a une fin à tout, Tam donna quittance de rien à son père et tuteur et sortit de la hutte sans regarder derrière lui. Tam Kick avait été surnommé Tam Kick par les petits garçons des villages voisins parce qu'il allait par-ci par-là aux portes des métairies demander un petit morceau à manger en disant « morceau de viande ou de pain, toujours charité fait du bien ». Faut vous dire que dans la pauvre maison de Job, Tam Kick n'avait jamais senti l'odeur du lard, ni frais ni salé, car le pauvre vieux journalier, n'ayant ni sous ni rente, vivait principalement de la charité des seigneurs de l'Othéa. Au surplus, quand il avait son écuellé de soupe de pain noir, Job ne désirait rien de personne. Plus raisonnable en cela que bien des gens qui se font maigrir en vérité, à force de vouloir s'engraisser avec le bien du prochain, plus raisonnable aussi que M. Tamik, son digne fils, qui disait en regardant ses maigres jambes qu'un peu de lard le dimanche ne lui ferait pas de mal aux dents. C'était du reste le seul défaut, la seule ambition de M. Tam, et encore doit-on l'excuser, puisqu'il désirait ses douceurs pour son vieux père plus que pour lui. Par ailleurs, Tamik était un garçon parfait, sauf la beauté qui lui faisait un peu défaut, car je crois qu'il était louche et presque bossu. N'importe, il avait bien d'autres qualités préférables dans le cœur. Il était bon pour les bêtes et les gens, charitable quand il avait trop, chose rare en vérité, et pieux toujours en souvenir de sa bonne femme de mère qu'il avait vue mourir 3 jours avant sa première communion. Ah, qu'il parlait avec enthousiasme de ce beau jour de sa première communion! Et il y avait de quoi en vérité. Figurez-vous Tam Tortik vêtu d'un bel habit de drap vert avec des boutons de cuivre ayant appartenu au garde-chasse de l'Othéa. Il y en a qui disent que l'habit était un peu ample pour Tam, bagatelle. Tam n'en était que plus à l'aise pour chanter ses cantiques. Et un beau cierge de 12 sous pour le moins et un chapeau neuf. Ah, le beau jour Jésus, Jésus Maria! Tam Kick partit donc, et s'il n'emporta point d'argent ni de sabot neuf, il eut pour passeport la bénédiction de son vieux père. Ça devait lui porter bonheur, car, vous le savez, le bon Dieu conduit toujours les bons fils par la main. Or, le même jour, dans la meilleure métairie du voisinage, pareille chose à peu près se passait. Un beau garçon de 18 à 20 ans, Jalm Turio, fils de veuve riche et comme il faut, avait demandé résolument et pour tout de bon ses comptes à sa mère, voulant aller, disait-il, par le monde à la recherche d'une fortune plus grande et surtout s'affranchir de la surveillance maternelle. La veuve, sa mère, était pourtant une digne femme, pleine de vertu, de religion et de crainte de Dieu, mais ses conseils n'avaient servi qu'à hâter le départ de son fils en lui causant du dépit. Alors Turio, monté sur un bon double bidet de Cornouailles, partit au grand trot, par le grand chemin pour se rendre à la grande ville de Quimper. On était en hiver, il neigeait, il glaçait à fendre pierre. Du côté de Cloire, Jalm rencontra sur son chemin un pauvre Clasker Barra, chercheur de pain, tout vieux, tout transi, qui disait d'une voix enrouée « Rio Brasameuse !» J'ai grand froid. Mon gentilhomme, un coin de votre manteau, pour l'amour de Dieu. Riou, riou, répondait Jalm en éclatant de rire. Riou, c'est le tailleur de l'OTA. Faut lui commander un pourpoint, l'ami, au lieu de t'enrhumer ici à crier riou à tous les passants. Le pauvre reprit. Pour un petit coin de votre manteau, je vous donnerai cette petite cage et la petite mouche bleue qui est dedans. Voyez, voyez, mon doux gentilhomme. Imbécile, dit l'autre, en le repoussant rudement avec le manche de son fouet. Mon manteau pour une mouche? Tu es un innocent. Allons, range-toi, ou sinon. Et il leva le bras pour frapper le mendiant. Heureusement que le cheval, comme s'il eût été effrayé tout à coup, s'élança au galop dans le bois voisin, où Turiot, sous les branches des arbres, reçut plus d'une bosse à la tête. Pour revenir à Tamkic, voilà que, par une route différente, il arrive sur le soir au même endroit. « Rio Brazam Eus !» lui dit d'une voix triste le pauvre marchand de mouches. « Vous avez froid, mon pauvre ami, » répondit Tam, « vous paraissez malade. » Et sans ajouter une parole, il se dépouilla de sa vieille veste percée et la mit sur les épaules presque nues du mendiant. « Où vas-tu donc, Tamkic ? » reprit celui-ci. « Quoi, vous savez mon nom, c'est-à-dire mon surnom de Clasquerbara ? Je sais tout cela et d'autres choses encore. Je sais aussi que le bonhomme Job t'a donné sa bénédiction avant ton départ. Et pour te récompenser, ah, ne parlez pas du bonhomme, ou mon pauvre cœur va tourner là-dedans et me faudra regagner le logis sans y apporter un liard. » Console-toi, Tamkic, les anges sont avec toi. Tu m'as donné ta veste. Je te donne en retour cette petite cage où il y a une mouche bleue. Tam prit la cage et la quelienne glace, la considéra avec une admiration d'enfant. Et quand il se retourna pour dire Trugarez merci au vieillard, sa place était vide et personne n'allait sur le chemin. « Voilà qui est drôle !» se dit le voyageur. « C'est égal, je vais garder le présent du pauvre, ça doit me porter bonne chance !» La nuit ne tarda pas à venir là-dessus, et voilà que, malgré le clair de la lune, notre Tamkic s'égara par les landes et les bois, avant d'avoir rencontré aucune maison. Enfin, après avoir bien marché, bien couru, vers le milieu de la nuit, il arriva à l'entrée d'un bois sombre qui était gardé par un runflu, c'est-à-dire un ogre mangeur d'hommes et autres l'honnête bête. Tam crut bien reconnaître ce passage hanté, si redouté aux environs. Mais comme il n'était point peureux et qu'il aimait les aventures, il résolut de s'y engager. Au surplus, il était trop tard pour reculer, car les deux domestiques du runflu, autrement dit deux gros chiens, qui n'avaient pas l'air tendre, arrivaient à l'instant et priaient poliment à leur manière Monsieur Tamkic d'entrer chez eux. Quand je dis poliment, ça veut dire en lui chatouillant un peu les jambes. « Goustadik, goustadik, doucement, mes petits agneaux, leur dit Tam, de sa voix la plus douce, ne vous mettez pas en colère. Tenez, voici deux belles galettes de blé noir que je vous donnerai si vous laissez mes pauvres flûtes tranquilles. » Vous voyez que le vagabond n'était pas si bête, au contraire, et bientôt c'eût été un plaisir de voir Tam et les deux dogues entrer bras dessous dans le manoir du runflu. « Orch !» fit celui-ci en se réveillant à cette vue. « Voilà qui est singulier. Ici Butor, ici Ragar. Mais valet maudit, que je vous corrige pour avoir donné la patte à un chrétien. » Le vieux Runfl, gros comme une tonne, était assis dans une salle sombre et enfumée, creusée dans les rochers au flanc de la montagne. Il était si gros qu'il ne pouvait remuer. Vite, Butor, avant que le bâton fatal fût retombé, car l'ogre avait à la main un bâton ferré long de deux aunes, vite Butor lança deux mots dans l'oreille d'âne du Runfl, qui s'apaisa sur le champ. « C'est bon, dit-il, on verra ça. En attendant, troussez-moi ce poulet-là, il tiendra bien sur la broche avec l'autre. » Foi de Dieu, Tamik n'avait guère le temps de se gratter l'oreille. Par bonheur, il avait la langue pendue comme un avocat de Quimper, et il se mit à travailler avec tout de suite. « Ah, monsieur l'ogre !» qu'il s'écria, « Monseigneur le baron de Tronjoli, vous auriez grand tort de faire du mal à Tamkik, votre meilleur ami venu ici tout exprès de l'Angleterre. »« Je n'aime pas les Anglais, moi, ainsi mes dogs. »« Faites excuse, monseigneur, je ne suis pas un Anglais, je n'en ai pas l'air que je pense, mais c'est par amour pour votre majesté que je suis allé dans ce pays des cuisiniers pour apprendre à faire la cuisine à la nouvelle mode. Orche, orche, ça me donne appétit, mais je suis diablement pressé. Patience, monseigneur, n'y aura rien de perdu. Laissez-moi faire. Où est la volaille? Montrez-lui la broche et la volaille, et si dans 5 minutes... Suffit, monseigneur, on sera prêt. À l'ouvrage. Et en disant cela, Tam retournait ses manches et suivait Ragar à la cuisine. « Oh, Jésus Maria! Qu'est-ce qu'il vit dans un coin de la cuisine ?» La cuisine était assez grande. Il y avait des billots faits avec des chaînes tout entiers, des couperets énormes, des poêles à frire larges comme des meules de moulin, un tourne-broche dont les roues avaient l'air d'un moulin à farine, des broches longues comme le pied de la grande bannière de Cloire. Ça faisait frémir quand on pense qu'il y avait à côté des morceaux de kick et d'eau qui ne sentaient ni le veau, ni le bœuf, ni le mouton. Le fameux Jalm Turio était dans le fond de la cheminée, près du feu, non pas pour se chauffer à l'aise, n'allez pas croire, mais bien garrotté, troussé comme un poulet, tout prêt à être embroché et grillé comme Saint-Laurent. Tamkik, quoiqu'il n'eût guère de cheveux sur la tête, les sentit pourtant se dresser de peur, surtout quand il entendit Ragar lui dire « Fais que ça soit cuit dans 5 minutes et à point. » 5 minutes pour cuire un homme. Ah, il y avait un fier feu dans la cheminée qu'on en rissolait à 10 pas. « Faut que ça soit bien cuit dans 5 minutes, » répéta le monstre en saisissant la broche d'une patte et Turio de l'autre. « Diable rouge !» murmura Tam hors de lui. Tout à coup, il sentit un frétillement dans sa poche et entendit une petite voix qui disait « Ouvre vite, ouvre-moi vite la cage !»« Brrr, voilà la mouche bleue en route. D'abord, elle va droit à Ragar qui cherchait le bon bout pour embrocher Jalm, et lui enfonce son dard dans les deux yeux. Ragar, fou de douleur et de colère, laisse tomber la broche et pousse des hurlements terribles. Butor arrive à ce vacarme, et la guêpe, allant à sa rencontre, lui fait subir le même traitement qu'à son compagnon. Restait le Runflu, dont la fureur ne connaissait plus de bornes. « Ici, ici, tas de brigands, que je vous éreinte à coups de gaffe, dire qu'ils me font attendre mon souper et qu'ils sont à se battre au lieu de faire leur besogne. Oh, les monstres! Comme je vais les dauber, et ce gueux de cuisinier, failli anglais, va, c'est moi qui vais te démolir. Oui, je vais t'avaler tout cru pour t'apprendre à troubler mon ménage. » C'était comique de voir se démener un Runflu si gros, si pesant qu'il ne pouvait quitter son fauteuil. « Runflèche, ogre méchant, attends un peu, mon chéri, tu seras servi tout à l'heure. On va te chauffer un bouillon nouveau, gros glouton, hurle tant que tu voudras, appelle tes dogs, peine perdue, mon vieux. Tes dogs enragés sont déjà rendus si loin dans la forêt que l'on n'entend plus d'ici leur hurlement. À ton tour, affreux baron du diable !» Alors la mouche bleue fait entendre son vron-vron dans la salle et va taquiner l'ogre en le piquant sur son nez dégoûtant. Il avait l'air d'un moulin à vent avec ses grands bras qu'il agitait furieusement pour abattre la guêpe. Mais la guêpe volait plus vite que ses bras. Et quand elle eut bien tourmenté ce fils du diable, elle lui creva les yeux en un instant. Le Runfle, à bout de force et de respiration, se mit à souffler comme un tonnerre. Il se leva en trébuchant de son fauteuil, fit deux ou trois tours sur lui-même et tomba enfin la tête la première sur les roches, où il demeura comme un bœuf assommé. Tamik délivra Thuriot de sa triste position. Thuriot, il est vrai, était un peu roussi, mais Tam lui frotta la figure et la tête, car tous ses cheveux étaient grillés, avec un morceau de suif ou de lard, et il ne s'en trouva pas plus mal. « Ça sent l'ogre mort par là, » dit Tamik à son compagnon. « Il est temps de filer d'ici, qu'en pensez-vous ? » ?»« Ma foi, je n'en pense rien, » répondit Thuriot qui avait son idée, et ne songeait même pas à remercier son sauveur. « Comme vous voudrez, l'ami. Bonsoir, bonsoir. » Pauvre Tom, il allait oublier sa mouche bleue, tant il était affairé. Mais la mouche ne l'oubliait pas, car elle vint aussitôt bourdonner à ses oreilles et rentra d'elle-même dans la petite cage. Tamik reprit possession de son trésor et sortit de la maison du Runfle sans causer davantage. Dès qu'il fut parti, Thuriot se mit en quête d'un autre trésor, car il savait par la lecture des histoires de ce temps-là que les ogres ont toujours dans leur cave 2 ou 3 tonnes remplies d'or. Finalement, et pour son malheur, faut croire qu'il en fit une bonne provision ou qu'il avait les poches gonflées et la démarche pesante en sortant du manoir. Était-ce l'or ou le guinardant, vin de feu ? Les deux, peut-être. Allons voir un peu, avant de finir, ce que devint notre Tamik avec sa mouche. Lassé de vagabonder, le camarade demanda une place de valet dans une bonne ferme du voisinage. Le fermier de Kerlostik, avant de le gager, regarda un peu de travers les pauvres jambes et le triste équipage du garçon. Mais celui-ci, piqué et enhardi par sa mouche, ayant dit qu'il ferait à lui seul plus d'ouvrage que 3 fainéants de Banalek, le maître consentit à le prendre à l'essai, avec 3 écus par an, de la soupe de pain de seigle tous les jours, de la bouillie de mil et des crêpes une fois par semaine. C'était une belle condition, assurément. Aussi, Tam n'eut garde de refuser. Le voilà donc valet de charrue. Le 3e jour, le maître ayant été à la foire la veille, par un temps brûlant, en avait rapporté sa bourse vide et un bon coup de soleil par-dessus le marché. Tamik proposa à la vieille moitié de ménage d'aller au champ tout seul avec les bœufs et la charrue. La vieille accepta, faute de mieux, espérant au surplus trouver tout de suite une bonne raison pour fourrer à la porte ce failli gras qui mangeait autant que 2. Mais sur les midis, quand elle alla au champ porter au valet sa soupe de pain noir, dont elle avait eu soin, la digne créature, de ne remplir l'écuelle qu'à moitié, quand elle vit la grande pièce toute labourée, elle resta stupéfaite. Tamik avala sa soupe sans rien dire, et avant le soir, il laboura un second champ avec l'aide de sa mouche qui aiguillonnait les bœufs et leur donnait un cœur infatigable. Dame, on ne trouvait plus à la ferme les jambes de Tamik aussi maigres, et la ménagère permettait à l'aînée de la maison de lui porter son dîner au champ. On le régalait joliment, allez, et la fille ne s'en revenait pas sans regarder par-dessus la haie. Finalement, ça continua si bien pour Tamik, que la pénéresse baissa les yeux devant lui et le laissa prendre son petit doigt et attacher une épinglette à sa piécette en revenant du pardon. Voilà donc la fin de mon histoire. On fit une belle noce à laquelle je ne fus pas invitée parce que mon père n'était pas encore né. Tamkik devint Tampinvidik, le riche. Marit, sa femme, fut la meilleure ménagère de la paroisse. Ils eurent beaucoup de petits garçons et de petites filles. Et puis, en route, les amis. J'avais oublié de vous dire que l'avant-veille de ces noces, Monsieur Tamkik, tout habillé de neuf, était parti pour l'Othéa afin de chercher le bonhomme Job et le ramener à Kerlostik. Mais voilà qu'en passant sur la lisière d'un petit bois, il vit un rassemblement de monde autour d'un homme étendu sur l'herbe. Il s'approcha pour regarder et reconnut Jeanne Thuriot, que des voleurs avaient tué pour voler son or apparemment. Vous voyez qu'une bourse trop lourde nuit à celui qui la porte, vu qu'il ne peut se sauver aisément des larrons, surtout quand au poids de la bourse se joint le poids d'une mauvaise conscience. Voilà pour lui. Tamik s'éloigna bien vite en faisant le signe de la croix et continua son chemin. Hélas, Alothéa, plus de bonhomme, parti pour le paradis. Le bon fils pleura tout le long du chemin en revenant, et je puis jurer qu'il n'entra dans aucun cabaret, ce qui n'est pourtant pas défendu, je pense, aux gens qui ont le goût garni et qui savent boire sans se saouler. À la fin des fins, je vous dirai que la mouche s'était envolée le jour des fiançailles. Que lui restait-il à faire? N'avait-elle pas achevé le bonheur de Tam en lui procurant une belle condition et une bonne femme, ce qui est diablement rare? Voilà pour Tamkic. Il y en a aussi qui disent que la mouche était un ange du paradis donné à Tamkic par le vieux mendiant, lequel était un grand saint venu sur la terre pour éprouver ceux qu'il rencontrerait. D'autres ajoutent même que tous les hommes de cœur ont une mouche pareille dans la poitrine. Moi, je vous laisse penser ce que vous voudrez et je m'en vais.